Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour de la chambre, initialement diffusée pendant le premier confinement en mai 2020. Aujourd'hui, deuxième temps, Virginia Woolf, une chambre à soi. Je ne veux pas être célèbre, ni grande. Je veux aller de l'avant, changer, ouvrir mon esprit et mes yeux, refuser d'être étiquetée, stéréotypée. Ce qui compte, c'est se libérer soi-même, découvrir ses propres dimensions, refuser les entraves. Ces mots sont de Virginia Woolf, qui en 1929 écrit un texte intitulé « A Room of One's Own », traduit par « Une chambre à soi » ou « Un lieu à soi ». Au début du texte, l'auteur raconte qu'il lui a été demandé de prononcer une conférence sur les femmes et la fiction. Sa réponse à ce texte magnifique, dans lequel elle énonce une thèse novatrice. Pour écrire, une femme a besoin de deux choses, 500 livres de rente et une chambre à soi. Words, English words, full of echoes, memories, associations, natural. They've been out and about on people's living. C'est la voix de Virginia Woolf. Virginia Woolf, un écrivain très grand, unique. Des mots anglais, un pays, l'Angleterre avec des traditions, des castes, une évolution, un territoire, le langage. Deux dates, 1882, la naissance, 1941, le suicide. Je sais, vous m'avez demandé de parler des femmes et du roman. Quel rapport, allez-vous me dire, existe-t-il entre ce sujet et une chambre à soi? Je vais tenter de vous l'indiquer. Après avoir accepté de vous parler, j'ai été m'asseoir au bord d'une rivière et je me suis interrogée sur le contenu des mots « roman » et « femme » ainsi rapprochés l'un de l'autre. Ce que l'on attendait de moi, était-ce seulement un hommage à des écrivains femmes illustres? Jane Austen, les sœurs Brontë, George Eliot? À y regarder de plus près, cette association femme et roman me parut moins simple. Peut-être me faudrait-il parler des femmes et de ce qui les caractérise, ou des femmes et des romans qu'elles écrivent, ou des romans qui traitent de la femme. Ou encore, pensant que ces trois possibilités sont intimement liées, votre désir est-il que je les envisage dans leur entrelacement? Certes, ce serait là la façon la plus intéressante d'aborder notre sujet. Mais elle présente un triste inconvénient, celui de rendre toute conclusion impossible et de ne pas permettre à mes auditeurs, après une heure d'entretien, d'emporter ainsi qu'il convient, soigneusement dissimulé dans leur carnet de notes, une pépite de vérité qui reposera toujours sur leur cheminée. Dans ces conditions, je préfère me contenter de vous donner mon avis sur un point de détail. Il est indispensable qu'une femme possède quelque argent et une chambre à soi si elle veut écrire une œuvre de fiction. Bonjour Geneviève Brisac. Bonjour Adèle Van Rett. Merci d'être avec nous ce matin depuis chez vous, depuis chez moi. Les émissions de radio continuent depuis notre domicile. C'est un plaisir de parler de Virginia Woolf avec vous. Vous la connaissez très bien, je crois. Oh, je la connais. Comme elle le dit elle-même, elle dit « Je suis une personne impossible à connaître et d'ailleurs probablement comme tout le monde ». Donc je la connais et en même temps je la connais pas. Je la redécouvre chaque fois que j'ai l'occasion de replonger dans ses livres. Donc je vous remercie énormément de m'avoir donné cette occasion. Et parce que dès qu'on écoute, comme on vient de le faire, 10 lignes de Virginia Woolf, on est tout de suite emporté par la première chose que j'irais, je crois, par son intelligence et par son humour. C'est-à-dire que immédiatement, c'est la à la fois il est question de méthode et il est question de liberté. Ça, c'est incroyable. Vous êtes vous-même écrivaine. Quel rôle a joué Virginia Woolf dans votre écriture? Très très grand rôle. C'est elle m'accompagne. C'est vraiment. Enfin, son aide est absolument incommensurable. C'est-à-dire qu'elle m'accompagne depuis que j'ai 18 ans ou 20 ans et son journal surtout. C'est d'abord son journal qui m'a énormément aidée parce que c'est un combat permanent contre le doute et pour le travail. parce que c'est une personne qui doute énormément et qui travaille énormément. Et d'ailleurs, cette chambre à soi, c'est un hymne au doute et au travail. Oui, c'est important de le préciser parce qu'on fait de Virginia Woolf une pionnière du féminisme et de l'analyse de la littérature à travers le prisme du féminin. Ce texte nous donne l'occasion de comprendre que c'est beaucoup plus compliqué et subtil que ça. Donc je suis particulièrement ravie d'en parler ce matin. Dans l'extrait qu'on a entendu, elle dit, permettez-moi d'insister sur ce détail, posséder une chambre à soi et de l'argent est une condition nécessaire pour écrire. Mais pourquoi dit-elle que c'est un détail ? Alors, c'est par rapport à ce qui précède. Hein, d'abord, c'est une plaisanterie, bien entendu, puisque ça va devenir le titre du livre qui, pour commencer, s'appelle « Femme et fiction », je crois. Ouais. Et elle hésite pas mal, comme souvent, sur le titre à donner à son livre. Et parce qu'on lui a demandé, elle explique bien que c'est une commande. Et c'est intéressant, cette question de la commande, parce que elle met le doigt sur quelque chose qui est très caractéristique des femmes, c'est d'agir ou d'écrire beaucoup plus aisément quand on leur a demandé quelque chose. Parce que si on ne leur a rien demandé, peut-être c'est pas la peine d'encombrer les autres avec des travaux inutiles. Donc ça, elle y insiste beaucoup. On lui a commandé un essai sur femmes et romans. Et donc là, elle plaisante, elle fait une espèce de prologue de dissertation idéale, romans et femmes, femmes et romans, tout en disant qu'elle pourra pas le traiter, là encore, oui, de l'humour, que c'est impossible. C'est de l'humour et en même temps une espèce de pratique de la méditation métaphysique, quoi. On a l'impression de lire des cartes, je prends, etc., etc. Et donc finalement, le nœud de la question pour elle, c'est, elle dit juste un détail, mais un détail essentiel et surtout concret, parce qu'elle veut toujours insister sur la nécessité de partir des choses réelles et des choses concrètes. Donc une rente, de l'argent, puisque ça dégoûte tout le monde de parler d'argent, eh bien on va en parler. Et une chambre à soi, c'est un espace à soi. Et là, elle se réfère, elle va y revenir souvent, à toutes ces femmes qui ont écrit en cachant leurs feuilles derrière leurs mains ou derrière un paravent, ou comme Jane Austen au coin de la cheminée, ou la nuit, ou puisque c'était une activité de cachette, en fait, hein, secrète et plus ou moins honteuse aussi. Et puis qu'il y avait toujours tellement d'autres choses à faire. C'est pour ça que la traduction « a room of one's own », qu'on traduit ça par une chambre à soi, soit par un lieu à soi est sans doute plus approprié, mais en même temps le terme de chambre renvoie à cet espace secret dont la femme a besoin pour écrire. Moi, je préfère beaucoup chambre, ne serait-ce qu'en référence au très beau livre de Michel Perrault sur les chambres. D'abord, c'est un beau mot, chambre, beaucoup plus que lieu. Et puis, c'est un mot concret, effectivement. Et comme vous le dites, Virginia Woolf, elle aime les mots concrets. Elle aime aussi les associations de mots, comme on l'a entendu dans l'extrait en anglais, quand elle dit, les mots sont sauvages, les mots n'aiment pas qu'on fasse des attelages de clichés, des associations prévisibles. Et donc, elle dit bien que femme, roman, c'est comme crocus et allumette, c'est des mots qui a priori ne vont pas particulièrement bien ensemble. Là où elle est très forte, c'est qu'elle s'intéresse, elle prend le problème à bras de corps, le problème de la rencontre entre les femmes et la fiction sur lequel on lui demande d'intervenir. Et à aucun moment, elle ne procède de manière scolaire en essayant de définir les termes, en proposant des définitions, en tirant des conclusions. Elle le dit tout de suite, elle dit « Je vais développer devant vous aussi exhaustivement et aussi librement que possible l'enchaînement d'idées qui a abouti à cette conviction, c'est-à-dire à savoir que la femme a besoin d'une chambre et d'argent pour écrire. » Et s'ensuit un récit. Alors on ne sait pas si c'est de la fiction, elle joue avec ce trouble-là, un récit qui semble nous conduire complètement ailleurs. Et ça, c'est typique de son écriture que de s'accrocher à une expérience de manière très précise, sans savoir où elle conduit le lecteur. En tout cas, le lecteur ne sait pas où on le conduit à ce moment-là. Exactement. Alors, ce qui est drôle, c'est que elle dit elle-même que de toute façon, elle est une femme ignorante, qu'elle a pas pu aller à la faculté. Ça va jouer un grand rôle dans le développement de son récit. Et c'est effectivement en même temps une fiction et une réflexion, c'est-à-dire qu'elle mélange les ingrédients imaginaires et la narration, disons, rationnelle. Et surtout, elle dit bien qu'elle ment. Elle dit « Je n'ai pas besoin de vous préciser que ce que je vais décrire n'a jamais existé ». Et elle procède, comme elle le fait dans les romans d'ailleurs, en suivant comme une rivière, ce qui est aussi l'image qu'elle reprend, son flux de conscience et son flux de pensée. Et ça passe par des images. Et c'est ça aussi qui est très beau, qui est très fort et qui est très particulier, c'est qu'à la page 3, on a déjà eu je ne sais combien d'images. On a eu une cheminée qui est apparue, on a eu donc cette chambre, et à la troisième page, elle raconte qu'elle est assise sur les berges d'une rivière par une belle journée d'octobre. Donc tout ça, c'est important, une journée d'octobre, une rivière, qu'elle est assise au bord de la rivière et qu'elle se met à pêcher. Une idée s'accrocherait soudain à le hameçon et il faudrait la retirer de l'eau, mais c'est une toute petite idée, nulle, insignifiante, etc. Alors, d'abord, l'image est très drôle, et puis il faut se rappeler une chose que moi j'adore, c'est que Virginia Woolf adore pêcher. Ce qui n'est pas une activité, qui n'est pas une activité extraordinaire, réputée comme très féminine. Mais moi, j'adore aussi pêcher, donc je comprends très bien ça. C'est-à-dire qu'elle aime le lancer de la ligne, elle aime la rêverie que ça implique d'attendre que le poisson morde. Et d'ailleurs, comme tous ces livres sont toujours très entrelacés, on se souvient que dans la promenade au phare, James, le petit garçon, il veut aller au phare, il veut que son père l'emmène pêcher. Et c'est tout à fait, c'est ça le sujet, et c'est ça d'ailleurs le nœud du conflit qui les oppose. Et qui, comme il fait mauvais, cette promenade, cette sortie en mer n'aura jamais lieu. Donc, et puis, toujours d'ailleurs dans la même promenade au phare, l'histoire que la mère raconte au fils, c'est le petit poisson et le pêcheur. Donc il y a plein d'associations d'idées. Ce conte du petit poisson et du pêcheur, c'est justement un conte d'ailleurs sur ce qu'on désire, sur la magie des souhaits et sur, comment dire, les échecs. Que des échecs qui arrivent quand on essaye de réaliser ses souhaits. Donc tout ça est totalement, totalement lié, quoi. Elle se balançait minute après minute, ça et là, parmi les reflets, les mauvaises herbes, émergeant ou s'enfonçant au gré de l'eau, jusqu'au moment où vous reconnaissiez le petit déclic. Une idée s'accrocherait soudain à l'hameçon, et puis les précautions pour la haler, la retirer de l'eau. Hélas, posée sur l'herbe, mon idée paraissait petite et insignifiante. Elle était de ces poissons qu'un bon pêcheur remet à l'eau pour qu'ils grandissent et vaillent un jour la peine d'être cuits et mangés. Je ne veux pas vous ennuyer en m'attardant sur cette petite pensée, car en y regardant de plus près, vous pourrez la retrouver par vous-même au cours de ce qui suivra. C'est ce qu'elle écrit, hein, donc elle se met en scène elle-même, elle écrit la troisième personne pour en fait se mettre en scène. Mais ça va très loin cette image Geneviève Brisac, parce qu'au fond c'est toute l'écriture de Virginia Woolf. Vous avez prononcé le terme de flux de conscience, stream of consciousness, qu'on applique à Virginia Woolf. C'est vraiment elle qui invente ce style-là? En tout cas, elle l'invente en même temps que ses deux contemporains, Joyce et Proust. C'est exactement au même moment, hein. Tout ça, ça se passe dans au début des années 20. Et on l'attribue toujours, c'est Joyce qui se l'est approprié de manière bien masculine. Mais enfin, elle en est largement l'auteur ou la mère. Si on prend une petite métaphore féminine. Autant qu'il y aurait le masculin, le féminin et l'androgyne à travers Proust finalement. Oui, le thème d'ailleurs de l'androgynie est très important dans ce texte. Très important. Très important. Et comment est-ce que vous définiriez ce stream of consciousness? Comment est-ce qu'on peut dire ce que c'est? En fait, c'est une façon de développer la narration à l'intérieur des associations d'idées, comme elle vient de le dire, d'une personne ou d'une autre et qui parle, mais que ça soit qui parle pas d'ailleurs justement. Et donc cette intériorité qui circule entre les personnages crée un espace, hein, une géographie narrative qui permet de faire circuler, comme on le dit couramment, ces grottes que sont les êtres humains, et de les connaître en fait, hein, d'accéder à leur connaissance, où à la fois on peut joindre l'intérieur de l'humain, la pensée, l'émotion, les sentiments, et ce qui se passe à l'extérieur. C'est exactement ce qu'elle fait dans une chambre à soi. Hein. C'est ça, et c'est toute une conception de l'écriture qui se trouve exprimée par là, puisqu'elle essaye de coller au plus près du mécanisme, du processus qui l'a fait écrire, et elle décrit tous les états de conscience qu'elle traverse au moment où elle écrit. Et ces personnages, c'est pareil, hein, que ce soit Mrs. Dalloway ou vous citiez le phare, à chaque fois qu'elle rend vivant un personnage, elle colle au plus près de ses pensées les plus intimes, ce qui donne ce sentiment d'éclatement et en même temps de grand réalisme. Et de plein. Il y a un autre endroit absolument. Il y a une scène merveilleuse que j'adore, qui est une scène de petit déjeuner. Moi, j'aime beaucoup les scènes de petit déjeuner. Il y en a d'ailleurs beaucoup chez Virginia Woolf. Elle est en train de prendre son petit déjeuner, de boire son thé, de manger ses toasts. Et arrive son neveu, Julian, qui au demeurant mourra pendant la guerre d'Espagne. Et elle, donc, Julian est tout endormi. Il a les yeux gonflés. Il est en pyjama. Il a les cheveux ébouriffés. Et il s'assoit Et Virginia lui dit, ah, avec l'accent anglais que je ne vais pas du tout imiter, mon chéri, que t'est-il arrivé ce matin? Et là, le garçon, adolescent et grognon, dit, enfin, comment tu veux qu'il me soit arrivé quelque chose? Il ne m'est rien arrivé, je viens de me lever. Et là, elle soupire, elle dit, ah, c'est terrible, mais bien sûr que si, il t'est arrivé des milliers de choses. Tu as ouvert les yeux et tu as regardé par la fenêtre et là, tu as vu cette, ce raie de poussière dans la lumière qui donne envie de se lever, de se réveiller. Et puis, tu as entendu un oiseau dehors et tu t'es dit, est-ce qu'il fait beau ou pas? Et tu as commencé à penser à ta journée. Et là, elle est apparue admirable pour ta femme, etc., etc. Et puis tu es descendu, tu as aperçu un tel dans l'escalier et tu es arrivé jusqu'à nous. Et donc elle brode assez longtemps sur ce thème et c'est vraiment tout son credo. C'est le credo de l'intensité de la vie à condition qu'on la regarde de près. Intensité, oui, c'est ça le terme. L'écriture de Woolf, ce qu'elle décrit est vraiment d'une intensité extrêmement aiguë. Oui, c'est une espèce d'entraînement existentiel à observer tout le temps. Et soi-même pour commencer, c'est très bien pour le confinement, hein. C'est vraiment très très approprié. D'ailleurs, elle, c'est que du coup la vie est extraordinairement vivante et intense, même si les gens endormis, comme elle les appelle souvent, ont l'impression qu'il ne se passe absolument rien. Et c'est aussi une pratique qu'elle a constante du gros plan sur une feuille, un oiseau. C'est aussi une pratique cinématographique de certaine façon. C'est-à-dire qu'elle applique son attention à un objet et cet objet, elle le voit comme font les enfants d'une certaine façon. D'ailleurs, elle l'applique aux enfants dans toute leur intensité. Un tissu, une fleur sur la robe de sa mère qui est la première sensation. Et c'est ce qu'elle applique est-ce qu'elle applique à la pensée d'ailleurs? C'est-à-dire qu'elle prend la pensée, elle la prend dans sa main, et là c'est exactement comme Descartes, je crois, et elle la tourne, et elle dit, ah oui, non, mais on peut aussi dire ça. Et si on la déplie dans ce sens-là, on peut aussi dire ça, et également ça, etc., etc. Donc c'est exaltant. Alors on va entrer dans une chambre, justement, vous faisiez le parallèle avec le confinement, et la chambre, c'est le thème de cette semaine, c'est ce qui nous conduit à parler de la chambre à soi de Virginia Woolf ce matin. Et dans ce texte-là, elle-même nous fait entrer dans une chambre, la chambre d'une femme. En quoi est-ce que c'est différent de la chambre d'un homme? Écoutez comment elle décrit cette chambre-là. C'est un texte lu par Maëlys Ricordeau. On entre dans une chambre, mais il faudrait étirer jusqu'à leurs extrêmes limites les ressources de la langue anglaise. Et des volées entières de mots se verraient contraindre de naître illégitimement avant qu'une femme puisse dire ce qu'il se passe quand elle pénètre dans une chambre. Les chambres diffèrent si totalement les unes des autres. Elles sont calmes et pleines de bruit, donnent sur la mer ou au contraire sur la cour d'une prison. Elles sont encombrées de linge qui sèche ou bien toutes vivantes d'opales et de soieries. Elles sont rudes comme des crins de chevaux ou douces comme des plumes. Il suffit d'entrer dans n'importe quelle chambre, de n'importe quelle rue, pour que se jette à votre face toute cette force extrêmement complexe de la féminité. Comment pourrait-il en être autrement? Car les femmes sont restées assises à l'intérieur de leur maison pendant des millions d'années, si bien qu'à présent, les murs mêmes sont imprégnés de leur force créatrice. Et cette force créatrice surcharge à ce point la capacité des briques et du mortier, qu'il lui faut maintenant trouver autre chose. Se harnacher de plumes, de pinceaux, d'affaires et de politique. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de la chambre cette semaine et ce matin de la chambre à soi. C'est le titre d'un texte de Virginia Woolf que nous commentons ce matin en compagnie de Geneviève Brisac. Le court extrait qu'on a entendu de Geneviève Brisac est non seulement magnifique, mais en plus il nous permet de cerner l'approche de Woolf par rapport à la féminité. Elle dit bien que la chambre elle-même va nous jeter à notre face cette force extrêmement complexe de la féminité. Mais elle ne donne pas un contenu à la féminité. La féminité, c'est ce que l'on trouve dans la chambre, et ça c'est très important, parce qu'elle ne croit pas en une essence féminine. Elle décrit la féminité à partir de ce qu'elle voit dans la chambre. Autant de féminité que de femmes, c'est en ça aussi qu'elle est très moderne, et autant de féminité que de femmes, et que de chambre. C'est-à-dire qu'elle explique bien, et je trouve que ce texte est très beau aussi, parce qu'elle explique bien que c'est de l'esprit incarné, la chambre, finalement. Ce qui est tout à fait vrai. Donc, c'est de l'esprit incarné avec ce que ça comporte de caractéristiques esthétiques, mais aussi sociales, matérielles. Et parce que tout l'essai va beaucoup, va beaucoup porter sur le matérialisme, la réalité concrète de la situation des femmes qui fait qu'il y en a de pauvres, beaucoup de pauvres et assez peu de riches, et beaucoup de la classe moyenne qui n'ont pas encore accès à l'éducation et à la culture. Et donc, elle a l'expérience, elle a beaucoup fait ça littérairement dans le livre qu'elle a publié juste avant Une chambre à soi, qui est Orlando, où elle s'est énormément amusée justement à décrire des intérieurs de toutes les époques, des tenues, des tissus. Et par ailleurs, décrire des tissus, des soieries, des brocarts, etc., c'est une vieille tradition là littéraire des femmes. On trouve ça dans, elle aime beaucoup le 18e siècle, Virginia Woolf, donc on trouve ça dans les contes du 18e, de Madame de Beaumont, de Madame d'Aulnoy. Il y a toujours, et on a d'ailleurs un écho dans ces lignes là de ces tissus, de ces chatoiements qu'on prête aux princesses avant qu'elles soient transformées en pauvresse dans les contes du 18e. Et ce qui est très beau, c'est qu'elle fait de la chambre ici le miroir de la femme qui voudrait écrire sans doute. Elle dit les femmes sont restées assises à l'intérieur de leur maison pendant des millions d'années, si bien qu'à présent les murs mêmes sont imprégnés de leur force créatrice. Et cette force créatrice surcharge à ce point la capacité des briques et du mortier qu'il lui faut maintenant trouver autre chose, harnachée de plumes, de pinceaux, d'affaires et de politique. Comme si le point de départ, et c'est pour ça qu'il faut une chambre à soi pour écrire quand on est une femme, le point de départ, c'est d'abord l'espace matériel qui lui-même va renvoyer une force créatrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas de la mystique ici, c'est pas que les murs en eux-mêmes vont nous faire écrire. Ça veut dire que nous avons sous les yeux le matériau nécessaire que nous pouvons sculpter pour écrire, c'est ça? Je crois que c'est ça, et c'est aussi, enfin, c'est quand même un tout petit peu mystique malgré tout. Ah oui. Parce qu'il y a l'idée que la chambre a une âme qui protège en fait la personne, la femme qui va écrire, parce qu'elle lui fait une sorte de bulle protectrice. Elle utilise très souvent l'image de la bulle, de l'immunité par la bulle de protection, Virginia Woolf. Et par exemple, elle décrit aussi les bibliothèques. Les chambres en question, elles seront aussi des bibliothèques. Et évidemment, les livres les uns à côté des autres, c'est de la pensée incarnée, et donc ça dégage quelque chose. D'ailleurs, on le sait, d'ailleurs ça c'est vrai en plus. On sait très bien que quand on va dans une bibliothèque ou dans une autre, il y a quelque chose qui règne là, une atmosphère qui se dégage des objets, des livres. C'est vrai pour les chambres, c'est vrai pour les bibliothèques, et ça incarne l'espace mental en fait de la personne qui va écrire, et ça lui permet aussi d'échapper à la porosité, parce que Virginia Woolf a une autre caractéristique dont elle parle très souvent dans son journal, c'est qu'elle considère qu'elle est trop poreuse. Mm-hmm. Elle explique, non pas heureuse d'ailleurs, mais poreuse. Et donc elle explique qu'il y a deux sortes d'écrivains, les cailloux et les éponges. Et donc elle dit les cailloux, c'est par exemple Catherine Mansfield ou Charlotte Brontë, c'est des écrivains très denses, très très hermétiques, très bien protégés, très bien défendus, et donc ils écrivent des œuvres à cette image. Et puis il y a un autre genre d'écrivain dont elle dit qu'elle fait partie, enfin je pense que c'est d'ailleurs vrai, qui sont des éponges et qui donc sont extraordinairement inspirés, mais aussi pénétrés, traversés et dérangés par le monde extérieur, ce qui s'y passe, ce qui s'y passe de bon, mais ce qui se passe souvent de mauvais, par les flux de pensées des gens qui l'entourent, les amis qui viennent ou qui viennent pas, avec qui on se fâche. Les amis, c'est très très important pour Virginia Woolf, avec qui on se fâche ou on ne se fâche pas, les gens qui meurent, et ça vous plonge dans le désespoir, et ça crée des affects qui empêchent la création, parce que la création, elle est trop perturbée par toutes ces ondes. Et donc, la chambre, vous fermez la porte et il reste dehors. D'ailleurs, elle raconte dans Une chambre à soi, juste un peu après, je crois, une visite. C'est dans le journal à la même époque. Elle a la visite d'un type qui vient chez elle dans son salon. Et il ne s'est pas annoncé. Il vient la visiter. Elle peut pas le mettre dehors. Il s'installe dans son fauteuil. Il fume un cigare qu'elle déteste et il commence à lui raconter des trucs pendant 3h30. Et il mange ses chocolats et elle en peut plus. Et finalement, il s'en va et elle dit l'égoïsme masculin me confondra toujours. Il n'a absolument pas compris que, franchement, il était de trop. Et c'est exactement pour empêcher ça. Qu'une femme bien élevée ne peut absolument pas empêcher, sinon qu'elle doit aussi avoir une chambre à soi. Ce qui est l'occasion pour elle de proposer une sorte de typologie des romancières en fonction du lieu où elles écrivaient. Elle dit que c'est certaines romancières qui écrivaient, par exemple, dans le salon, qui est le lieu de sollicitation permanente, une pièce passante où le travail est sans cesse interrompu. Elle dit à propos de Jane Austen, par exemple, elle n'avait pas de bureau personnel où se retirer. La plus grande partie de son travail dû être faite dans le salon commun. Et Woolf pense que ça se voit dans son écriture. Elle propose une analyse des textes écrits par des femmes en fonction du lieu où elles ont écrit. C'est fascinant. C'est formidable. Et d'ailleurs, elle explique bien que c'est pour ça que les femmes écrivent et écriront encore pendant longtemps des livres courts, parce qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de temps pour écrire des sommes comme Dostoïevski ou son propre père à elle, l'histoire des hommes illustres. Et donc, elle reprend cette image dont Raymond Carver s'était fait le héros, c'est-à-dire une nouvelle écrite le temps d'une machine à laver ou lavomatique. Et d'ailleurs, Virginia Woolf a écrit beaucoup de nouvelles qui sont, que j'adore moi, et qui sont les embryons, les premières moutures des romans. En particulier Mrs. Dalloway, il y a au moins 3 ou 4 nouvelles qui sont les premières ébauches de Mrs. Dalloway. Est-ce que ça correspond à un moment où Virginia Woolf elle-même obtient une chambre à elle pour pouvoir écrire un roman? Parce que elle s'éditait elle-même, elle créait sa maison d'édition, ce qui lui permet de pouvoir publier ses propres textes. Mais les conditions de rédaction, j'imagine, ont évolué au cours de sa vie. Bien sûr. À partir du moment où ils ont Léonard et elle, ils ont un jardin. Elle a une cabane au fond du jardin. Elle écrit souvent dehors aussi. Il y a des très belles images de sa table, de son bureau dans le jardin. Ça, j'adore. Et puis, on peut trouver à Monkhouse aussi. Elle a une pièce à elle, bien sûr. Mais que reste-t-il de cette distinction entre la chambre et le salon, pour reprendre ces termes, aujourd'hui, là, si on s'arrête un instant sur l'époque dans laquelle nous vivons, ou peut-être qu'il est plus facile, enfin, il est certainement plus facile pour les femmes aujourd'hui d'avoir une chambre à elles ou un bureau à écrire qu'au moment où écrivait Woolf. Mais aujourd'hui, une chambre à soi n'isole plus beaucoup. Le téléphone portable, les connexions permanentes, etc. ne permettent pas l'isolement qu'elle décrit. Alors. Là, il faudrait faire comme Virginia Woolf. Il faudrait étudier la situation. Je pense que si on parle de logement dans des villes, dans des grandes villes comme à Paris, je crains que, hormis les femmes réellement riches, beaucoup n'aient pas du tout les moyens d'avoir vraiment une chambre à soi ou un bureau. C'est en termes de surface d'appartement, c'est tout de suite problématique. Et puis il faut aussi qu'il y a aussi la charge, la célèbre charge mentale qui fait que vous allez sortir de votre bureau toutes les 3 secondes parce qu'on vous appelle, parce qu'il y a besoin de vous, etc., etc. C'est une vraie question des femmes. Alors certaines savent se s'isoler et se rendre totalement inaccessible, et puis d'autres, pour différentes raisons, et Virginia Woolf en faisait plutôt partie, ne peuvent pas le faire, ne savent pas le faire. Peut-être aussi parce que elles-mêmes ont été privées de l'attention qu'elles auraient aimé recevoir enfant. Il y a une scène que j'aime beaucoup, là on s'éloigne un tout petit peu, qui est c'est Thomas Mann raconte, c'est les enfants de Thomas Mann, Klaus Mann et Erika Mann, qui racontent que leur père Thomas il se battait, hurlait, s'entretuait au rez-de-chaussée, et lui était au premier étage, et jamais il ne bougeait de son bureau, il n'en avait absolument rien à faire. Et c'est une énorme douleur décrite par les enfants Mann, cette indifférence de leur père qui était convaincu que son œuvre était beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que le malheur qui pouvait arriver à ses enfants. Et moi, ça m'a toujours horrifiée, et je pense que Virginia Woolf aussi, parce que ça va avec un esprit de sérieux qui est tout ce qu'elle condamne dans cet essai, à travers son ironie envers le sérieux masculin, la pose, ses professeurs d'université qui ressemblent à des espèces d'éléphants difformes que le sérieux et le contentement de soi a totalement abîmé. Virginia Woolf elle-même n'avait pas d'enfant, alors les spécialistes diffèrent. Est-ce que c'était un choix de sa part ou une incapacité ? Je crois ni l'un ni l'autre, en fait. Je crois qu'elle... Enfin, j'en sais pas, j'étais pas là, mais... D'après ce qu'on dit, ce qu'on voit, ce qu'on lit dans le journal et dans les biographies, de toute façon, elle en a pas eu, elle en a pas eu, et puis c'est tout. Il n'y a pas à dire qu'est-ce qui se serait passé si elle en avait eu. Mais le fait est que elle en a pas eu parce que les médecins, les psychiatres, qui lui ont quand même fait beaucoup de mal, il faut bien le dire, par ailleurs, ont pensé qu'elle en mourrait. Qu'elle pourrait pas supporter, de même qu'on a jusqu'à très récemment dit que des personnes à tendance bipolaire ne pouvaient pas prendre le risque de les laisser porter des enfants. Il y a des teints. On connaît tous et toutes des cas tout à fait inverses. Au contraire, des personnes bipolaires peuvent extrêmement bien s'occuper de leurs enfants, beaucoup mieux que d'autres qui ne le seraient pas. C'est comme toujours des normalisations très très discutables. En tout cas, elle en a pas eu. Parce qu'elle en a été empêchée par les docteurs. Ce qui est d'autant plus intéressant, parce que ça montre que toutes ces analyses sur ce qu'on appellerait aujourd'hui la charge mentale, sur ces sollicitations permanentes qui émanent du domestique et qui empêchent d'écrire, s'appliquent aussi à une femme qui n'aurait pas d'enfant, et ça mérite quand même d'être souligné. Exactement. Et je vous propose justement qu'on entre dans la chambre de travail avec Virginia Woolf, et dans un autre texte qui nous permet de préciser ce qu'elle entend par une chambre à soi, pour voir ce qu'il reste, le combat qu'il faut mener quand une femme se retrouve assise à son bureau, et que même si elle n'a pas d'enfant et que même si elle vit dans un foyer où on la laisse relativement tranquille, elle doit se battre contre quelque chose qu'elle appelle un fantôme qui l'empêche d'écrire. C'est dans une conférence qui a été lue à la Ligue du Service Social des Femmes en 1942. On y lit ceci. « C'est pendant que j'écrivais ce compte-rendu que je fis cette découverte. Si je devais faire de la critique de livres, j'aurais besoin de me battre avec un certain fantôme. Ce fantôme était une femme, et quand je me suis mise à mieux la connaître, je l'ai nommée, d'après l'héroïne d'un poème célèbre, l'ange du foyer. C'était elle qui venait se glisser entre mon papier et moi quand j'écrivais les articles. C'était elle qui me tracassait et me faisait perdre mon temps et me tourmentait tellement qu'à la fin, je l'ai tuée. Vous qui êtes d'une génération plus jeune et plus heureuse, vous n'avez peut-être pas entendu parler d'elle. Peut-être ne savez-vous pas ce que j'entends par ange du foyer. Je vous la décrirai aussi brièvement que possible. Elle était excessivement sympathique. Elle était absolument charmante. Elle était parfaitement altruiste. Elle excellait dans l'art difficile de la vie de famille. Elle se sacrifiait quotidiennement. Quand il y avait du poulet, elle prenait le pilon. S'il se produisait un courant d'air, elle s'asseyait au milieu. Bref, elle était ainsi faite qu'elle n'avait jamais de pensée ou de désir personnel, mais préférait toujours partager les pensées et les désirs des autres. En plus, ai-je besoin de le dire, elle était pure. Sa pureté était censée être sa plus grande beauté, ses rougeurs, sa grâce la plus exquise. Et en ce temps-là, la fin du règne de la reine Victoria, chaque foyer avait son ange. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai fait sa connaissance avec les tout premiers mots. L'ombre de ses ailes se profila sur ma feuille. Je perçus le bruissement de ses jupes dans la pièce. En fait, dès que j'eus pris ma plume pour rendre compte de ce roman d'un homme célèbre, elle se glissa derrière moi et murmura « Ma chère, vous êtes une jeune femme. Vous allez parler d'un livre qui a été écrit par un homme. Soyez charitable, soyez tendre, flattez, trompez, utilisez tout l'art et toutes les ruses dont votre sexe a le secret. Ne laissez jamais personne deviner ce que vous possédez. Ne laissez jamais personne deviner que vous possédez un esprit à vous. Par-dessus tout, soyez pure. » Et elle fit mine de guider ma plume. Et le texte continue et on assiste au meurtre du fantôme par l'écrivain elle-même. C'est un texte incroyable, ce meurtre de l'ange du foyer, Geneviève Brisac. Ah, j'adore ça. C'est tellement bien, c'est tellement juste, c'est tellement en colère. Elle parle très bien de sa colère, hein, Virginia Woolf, de sa rage qui va s'exprimer de cette manière. Alors, elle avait quelques raisons. Elle avait bien observé sa mère, qui était véritable ange du foyer, et qui préférait toujours s'occuper des enfants pauvres de bas du quartier que de ses propres enfants. Et de son mari, oui, qui était très pâle et très blanche et très pure et très irréelle aussi. Et donc les filles Stéphane, c'est-à-dire Virginia et Vanessa, s'enrageaient contre les obligations dont on leur disait qu'elles allaient devoir y obéir toute leur vie. Mais moi j'adore ce texte parce qu'il y a une honnêteté, voilà. Il y a quelque chose à quoi Virginia Woolf tient énormément et je trouve vraiment précieux, c'est le fait qu'elle affirme et qu'elle réaffirme que l'honnêteté en littérature est tout. Il y a le rythme, elle dit le rythme est tout, et l'honnêteté est tout. Il faut dire ce qui est, par exemple, la tentation de l'hypocrisie, de la révérence inutile, de la flatterie qui va être bien utile, mais il faut pas le faire, etc., etc. Donc il y a en elle des restes de principes puritains, mais elle s'en sert, à mon avis, très bien. D'autant quand la circonstance, dans ce texte sur l'ange du foyer, elle réussit à mettre des mots sur une situation que chaque femme qui a voulu écrire, et peut-être chaque homme aussi, enfin certains hommes, ont vécu. Le fait de devoir tuer quelqu'un, ne serait-ce qu'un fantôme, pour pouvoir continuer à écrire. Bien sûr. C'est vraiment c'est ce qu'elle appelle aussi la conquête de la liberté, hein. C'est la liberté que vous évoquiez tout à fait au début, c'est exactement ça. Être libre, ça veut dire ne pas se soucier de ce que la société va vous faire, de ce qu'on va penser de vous. Alors, cela dit, Virginia Woolf était extrêmement sensible à la manière dont ses livres étaient reçus ou pas reçus. Donc, elle, comme souvent aussi, là, elle parle contre elle-même pour s'affirmer, pour affirmer quelque chose. Elle dit, elle parle de l'immunité. Elle dit, pour écrire, en fait, il faudrait être immune. Être immune, c'est vivre à l'abri des chocs, des ennuis, des souffrances, être hors de portée des flèches, avoir assez de bien pour vivre sans rechercher la flatterie, la réussite, ne pas être obligé d'accepter les invitations, ne pas se soucier des éloges que reçoivent les autres, être forte, satisfaite, sentir que personne ne pense à moi et que je peux me reposer. L'immunité est un état paisible, exalté, désirable, que je pourrais atteindre bien plus souvent que je ne le fais, n'être rien, ne serait-ce pas l'état le plus satisfaisant du monde. Et donc elle passe aussi son temps à se donner des coups de pied, hein, quand même. Oui. Je pourrais l'atteindre bien plus souvent que je ne le fais. Mon essai sur les femmes et le roman n'est peut-être pas du tout réussi. C'est quelque chose qui est pas le doute est aussi présent constamment. Alors Virginia Woolf aimait-elle les femmes? La question se pose souvent, comme elle ne décrit pas d'essence féminine et qu'en plus elle cède à un genre dans ce texte qui est celui de la péroraison, dit-elle, qui implique toujours de s'en prendre à notre sujet. Elle dit vers la fin du texte qu'elle se doit d'être dure avec les femmes, mais au moment où elle le dit, elle dit finalement, mais les femmes, est-ce que vous n'êtes pas lasse jusqu'à l'écœurement de ce mot? Moi, je le suis, dit-elle. Et elle dit, mais finalement, que puis-je penser des femmes? Eh bien, la vérité, c'est que j'aime les femmes, j'aime leur absence de convention, j'aime leur intégrité, j'aime leur anonymat, j'aime, mais il ne faut pas que je continue dans cette voie. Pourquoi s'empêche-t-elle d'aller dans cette voie, Geneviève Brisac? Parce que ça va se retourner contre elle et les autres femmes. C'est exactement la vérité. C'est-à-dire la vérité. Non, elle commence pourtant par dire, ben, il faut qu'elle. C'est une histoire d'appartenance en fait. Si elle dit trop de bien des femmes, eh bien, elle va s'exposer aux attaques de tous les misogynes qui l'encerclent, quoi. Elle dit. J'ai recopié juste après les conseils que donne le professeur machin pour reconnaître les imperfections de votre sexe. Alors il y a aussi une autre raison, hein, c'est que il faut pas que les femmes ne doivent pas faire comme les hommes, c'est-à-dire s'alanguir dans une trop grande autosatisfaction, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle explique que chaque être humain, les hommes et les femmes, a derrière la tête une petite zone de la, taille d'une, d'un shilling, je crois qu'elle dit-elle. Donc, et cette zone est la zone à laquelle on n'a pas accès. Alors, et elle dit les femmes, ce serait bien que les femmes disent aux hommes ce qu'elles voient elles dans cette, tous les ridicules, surtout les ridicules qu'on peut observer chez eux. Et elle dit les hommes ne se sont pas privés eux de montrer aux femmes tous leurs défauts, tous leurs ridicules, mais ce serait bien qu'il y ait aussi des artistes, un Sternberg, qui fassent la même chose pour les hommes. Et ça, elle reconnaît que c'est aussi bien les hommes et les femmes qui ont besoin qu'on les critique, oui, qu'on les remette à leur place de toute façon, qu'on analyse leurs qualités et leurs défauts, tout ça pour aller vers quelque chose qui, de nouveau, est très moderne, c'est-à-dire, puisqu'il s'agit bien d'études de genre, d'une analyse de genre, où on verrait le féminin et le masculin s'entrenouer d'une manière plus riche, plus nourrissante qu'elle ne le fait actuellement. Et d'ailleurs, elle insiste beaucoup sur le fait que la création, la belle création, est toujours bisexuelle, même si elle n'emploie pas le mot. En tout cas, androgyne. Oui, et ce qui fait redoubler sa fascination pour Shakespeare, qui l'accompagne tout au long de ce texte, et d'ailleurs dans la plupart de ses romans aussi, on trouve des références à Shakespeare. Oui. Je vous propose qu'on écoute un dernier texte ensemble, Geneviève Brisac, un texte qui se situe à la fin d'Une chambre à soi et dans lequel elle imagine ce que serait devenue la sœur de Shakespeare si elle avait pu écrire. On écoute le texte? La sœur de Shakespeare mourut jeune. Hélas, elle n'écrivit jamais le moindre mot. Elle est enterrée là où les omnibus s'arrêtent aujourd'hui, en face d'Elephant and Castle. Or, j'ai la conviction que cette poétesse, qui n'a jamais écrit un mot et qui fut enterrée à ce carrefour, vit encore. Elle vit en vous et en moi, et en nombre d'autres femmes qui ne sont pas présentes ici ce soir, car elles sont en train de laver la vaisselle et de coucher les enfants. Mais elle vit, car les grands poètes ne meurent pas. Ils sont des présences éternelles. Ils attendent seulement l'occasion pour apparaître parmi nous en chair et en os. Cette occasion, je le crois, il est à présent en votre pouvoir de la donner à la sœur de Shakespeare. Car voici ma conviction. Si nous vivons encore un siècle environ, je parle ici de la vie qui est réelle et non pas de ces petites vies séparées que nous vivons en tant qu'individus. Et que nous ayons toutes 500 livres de rente et des chambres qui soient à nous seuls. Si nous acquérons l'habitude, la liberté et le courage d'écrire exactement ce que nous pensons, si nous parvenons à échapper un peu au salon commun et à voir les humains non pas seulement dans leurs rapports les uns avec les autres, mais dans leurs relations avec la réalité, alors l'occasion se présentera pour la poétesse morte qui était la sœur de Shakespeare de prendre cette forme humaine à laquelle il lui a si souvent fallu renoncer. Tirant sa vie de la vie des inconnus qui furent ses devancières, ainsi qu'avant elle le fit son frère, elle naîtra, enfin. Mais il ne faut pas, car cela ne saurait être, nous attendre à sa venue sans effort, sans préparation de notre part, sans que nous soyons résolus à lui offrir à sa nouvelle naissance la possibilité de vivre et d'écrire. L'honorable dame de cette maison, qui est-elle? Adressez-vous à moi, je répondrai pour elle. Que voulez-vous? Radieuse, exquise et incomparable beauté, dites-moi donc, je vous prie, si la dame que voilà est bien la maîtresse d'Océan, car je ne l'ai jamais vue. Je répugne à gaspiller mon discours, car outre qu'il est extrêmement bien tourné, je me suis donné beaucoup de peine à l'apprendre par cœur. Douce beauté, ne me faites pas essuyer de moqueries. Je suis extrêmement sensible au moindre geste blessant. D'où venez-vous, monsieur? Je ne puis pas vous en dire plus que ce que j'ai appris par cœur, et cette réponse-là n'est pas dans mon rôle. Bonne et douce dame, donnez-nous, je vous prie, la plus petite preuve que vous êtes la dame de la maison, que je puisse vous dire ma tirade. Seriez-vous comédien? Non, cœur subtil. Et pourtant, je puis vous jurer que le rôle que je joue n'est pas le mien. Si vous n'êtes qu'un fou, allez-vous-en. Si vous avez vraiment quelque chose à dire, soyez bref. Je ne suis pas d'humeur à soutenir longtemps un dialogue aussi décousu. Qui êtes-vous et que voulez-vous? qui je suis, ce que je veux. Ces choses aussi secrètes que la virginité. Elle n'est divine que pour un seul, et tous les autres la profanent. Qu'on nous laisse seuls. Nous allons écouter ces choses divines. Cette semaine, Les Chemins de la Philosophie vous propose de redécouvrir notre série autour de La Chambre, Enfer ou Paradis, initialement diffusée pendant le premier confinement en mai 2020. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Vous aurez peut-être reconnu La Nuit des Rois de Shakespeare ici au Théâtre de Marigny dans une mise en scène de Jean Le Poulain avec Viola déguisée en homme, jouée par Annie Dupéré et Olivia, c'était Mireille Delcroix. Alors dans cet extrait justement, Viola entre sur scène déguisée en homme, elle demande à s'entretenir avec la comtesse Olivia et celle-ci va tomber amoureuse de Viola déguisée en homme, c'est-à-dire de Cesario. Cet imbroglio qui est typique des pièces shakespeariennes, Virginia Woolf en faisait son miel, c'est ce qu'elle préfère par-dessus tout, cet entremêlement des genres et le fait d'assumer que ce que nous appelons le genre est en fait un jeu, un rôle à jouer sur scène, Geneviève Brisac. Bien sûr, d'ailleurs c'est ce qu'on retrouve dans Orlando, à quoi elle s'est énormément amusée, et c'est ce à quoi elle croit vraiment. Elle, c'est vraiment les années Bloomsbury. Hein. Il faut voir qu'une chambre à soi, c'est écrit en 1929. Elle est vraiment au comme vous le disiez au début, elle est vraiment au sommet de son art. Elle est encore pleinement imprégnée de ces années de liberté intellectuelle, sexuelle et d'imagination. Qui a été à l'œuvre comme pour nous dans les années 70, mais pour l'Angleterre et d'ailleurs aussi par exemple la Russie dans les années 20 et la France, ben les années folles quoi. Et donc il y a cette énergie, cette vivacité, cette drôlerie qui est vraiment ce qu'elle préfère. Et je crois que c'est important d'en parler parce qu'on a toujours une image un peu trop sage de Virginia Woolf à cause des photos, je crois. À cause de son suicide qu'on a surinterprété dans le sens de la maladie au lieu de le voir comme beaucoup d'autres suicides, comme un suicide politique, de désespoir en 41, et elle a été loin d'être la seule face à l'arrivée de Hitler. Et donc, on en a fait une femme triste, déprimée, suicidaire, pâle, blanche, maigre, et toujours en train de boire du lait chaud et d'écrire dans son jardin. Et c'est pas ça du tout. C'est une femme bourrée d'énergie qui apprend sans arrêt de nouvelles langues, qui voyage, qui adore voyager en voiture, qui passe son temps à écrire des lettres hilarantes, qui se moque de tout le monde. Enfin, c'est pas du tout. Je crois qu'il faut vraiment. Enfin, ce qui amène à la lecture de Woolf, c'est de comprendre à quel point c'est une écrivaine. Moi, je dis plutôt. Enfin, bon, c'est une écrivaine moqueuse, énergique et très très drôle, qui n'a peur de rien. À l'image sans doute de cette sœur de Shakespeare avec laquelle elle conclut ce texte. C'est très beau cette image. Oui, oui. Où elle imagine, voilà, dans un siècle, magnifique. Si on arrive à avoir des chambres à nous et 500 livres de rente pour écrire, alors l'occasion se présentera pour la poétesse morte qui était la sœur de Shakespeare de prendre cette forme humaine à laquelle il lui a si souvent fallu renoncer. Puis il y a une très belle idée de transmission en plus. C'est-à-dire qu'elle le demande pas pour elle. Ce qui l'intéresse, et ça c'est incroyablement féminin, hein, ce qui l'intéresse c'est des générations futures. Il y aura bientôt, on y arrivera, etc. etc. Et comme elle parle de 2029, ben, il nous reste quelques années. On est d'accord, 1929. Et on est sur la bonne voie, vous croyez? C'est-à-dire qu'elle a eu pas mal de, il y a eu pas mal de déceptions, hein, quand même. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'elle avait mal mesurée, parce qu'à l'époque on croyait encore beaucoup au progrès continu, c'est que les retours de bâton, les backlash, les retours en arrière pouvaient être cinglants. dans l'éducation des femmes en Occident, c'est certain, a beaucoup progressé. Mais enfin, il reste quand même énormément à faire. Et je pense que cette valorisation qu'elle fait du travail, le travail, c'est vraiment le testament le plus précieux. C'est étudier et voyager, observer le monde, regarder ce qui se passe. Enfin, voyager dans votre jardin, c'est pas peine de voyager très loin, c'est pas du tout. Mais regarder, comme la mère de Charlie Chaplin lui recommandait chaque jour. Regarde et écoute. Et c'est vraiment ça, son credo. Merci de nous léguer ces précieux conseils en fin d'émission, Geneviève Britac. On va se quitter sur ces mots. Merci beaucoup d'être venue parler de Wolf ce matin. C'était un plaisir, Adèle Wendrette. Merci infiniment. Merci. Je renvoie donc les auditeurs à ce texte. Une chambre à soi, on le trouve dans beaucoup d'éditions différentes. Moi, je travaille avec l'édition en Quarto Gallimard où on trouve différents romans et essais, mais on l'a aussi en petite bibliothèque Payot dans la Rivage Poche. Voilà. Lisez-le dans l'édition que vous voulez, mais lisez ce texte tellement il est formidable. À bientôt, Geneviève Brisac. À bientôt, Adèle. Au revoir. On se quitte avec un exemple de lieu bien à soi, le plus poétique et le plus créatif possible, Jardin d'hiver, interprété ici par Stacy Kent. Je voudrais le soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de peau de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière quand mon nouvel Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre. Tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre. Nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir à la Décoère. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ma robe à fleurs sous la pluie de novembre. Tes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est l'heure, comme tous les jours, de retrouver la question philo d'Aurélien Mélanger. Tu les aimes, tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Votre question aujourd'hui, elle est fondamentale. Pourquoi les chaises existent ?